بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. قسموا لا قسمين ونحن أخذنا في الكتاب القسم الثاني المعنوي. ما هو التوكيد؟ وكل. الذي يوكد شيء. في النحو ما هو التوكيد؟ تعرف؟ قلنا والتابع المؤكد في رفعه ونصبه وجره وخفضه، يعني جره وخفضه، وفي تعريفه في عربه. ومذكور في المتن باب التوكيد، توكيد تابعون المؤكد في رفعه وكذا. ما هي الفاظ التوكيد؟ سكوا لي مو كونو با بو التوكيد. نفسه، النفس والعين وكله واجمعه والتوابع اجمعه، التوابع اجمعه اكزعه اكبعه أكتع أوسع أبتع. وذكرنا أن التوكيد على قسمين. سيكو لي دو فون توكيد؟ لفظي معنوي. لفظي معنوي. سيكو لفظي؟ تو ريبيت دو فوا لا ميم شوز كومون. جاء زيدون. زيدون. نعم. والمعنوي؟ الذي يكون بألفاظ مخصوصة، أي دي تم سبيسيفيك. طيب يو في عم يسبق عم بقى أستغل إن شاء الله في عم مصيونا. قال إعرابي من التوابع، كتخيم دي التوابع. وآخر ما نأخذ في باب المرفوعات، سواء التوابع يمسخبتي دون المنصوبات كي يبقى نجمون دي منصوب كذلك دون محفوظات كذلك. قال البدل. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرمية باب البدل: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعوا في جميع إعرابه. Si tu remplaces un اسم بأن autre اسم أو un فعل بأن autre فعل il le suit dans toutes ces إعراب. هذا البدل. قال شرح البدل: تعريفه وتابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا هو البدل. C'est le suiveur qui est concerné par le jugement sans intermédiaire, c'est-à-dire sans chose qui vient entre lui et le madbou'. À la khilaf al-atf. Al-atf, مثلا, il est concerné par le hukm, mais entre lui et le معطوف يا كوا يا حرف حرف عطف. مثلا إذا قلت جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، زيد ابن مسك عمر، عمر سيان معطوف كما نكسبيكي داكور. دونك il est concerné par le jument qui elle m'a dit, il est venu. Lakin, ce jugement s'applique sur lui par le biais de quoi? Du waouh. Harf a'atf qui va entre Zayd et Amr. D'accord? Le jugement du m'a dit, de la venue s'applique sur lui parce qu'il est venu après harf a'atf. Là, le badel, il vient sans wasita. Il n'y a pas de wasita entre lui et le mubdel minhu. Mathalan, il dit, adala al-khalifa Omar. Que le calife a été juste. Omar. On a fait l'arabe, t'as coulé Adala Firmadi. Mabni à la fatah. La mahlalahum y'arab. Al khalifa, fa'il. Marfou. Warabatul Rafi'i. Al-Zamma, Zaira, al-Akhili. Et Omar, c'est lui le Badel. Badel de quoi? Le Khalifa. Donc il pense en Irab. Et le Badel, le Mubdel Minhu, c'est Khalifa. Ou le Badel, c'est Omar. Donc là maintenant, Al-Adl. Al-Adl. Le jugement du Adl. C'est qui est-ce qui est visé par là? Principalement. C'est Omar. C'est ça le badel. وَتَابِعُ الْمَقْسُودُ بِالْحُكْمِ بِلَا وَاسِطَ. Ça veut dire que le badel, c'est Omar. Et c'est lui qui est visé par le jugement. Khalifa, c'est quoi? C'est la même chose que Omar. Seulement, ça a été mis seulement, c'est mis comment on expliquerait? C'est mis en avant pour préparer la venue de Omar. أنا أقول لك مثلا جاء أخوك زيد. Ton frère est venu, Zayd. En vérité, moi, c'est Zayd que je veux. J'ai dit Akhouka Fokat en bœuf de Mukaddima. Mais le Badel, c'est Zayd. Il a dit, ça ressemble un peu à un Yarni. Ça ressemble un peu à un sens de Yarni. Tu dirais, مثلاً, Adala al-Khalifa, Yarni, Omar. Sauf que Yarni, comme c'est un verbe, derrière, c'est ma phobie qui va venir. Mais dans le sens, tu précises qui tu vises par là. Maintenant, est-ce qu'il y a des wasita entre le badel et le mudel minhu? Est-ce qu'il y a un harf, quelque chose? Il n'y a rien du tout. فَذَكَرَ هَذَا وَقَدْ أَتَى تَفْسِيرًا وَتَبِيِّنًا لَهُ أي عمر جاء تَفْسِيرًا تَبِيِّنًا لِي خليفة وهو المقصود بحكم وهو العدل وإنما ذكر لفظ الخليفة المبدل منه تحميدا. تحميد سي une chose, une préparation. قال انواع البدل قال المصنف الاجروميه من اللي فهم البدل وهو اربعه اقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغرض نحو قولك قام زيد اخوك واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس وأردت أن تقول الفرس فغردت فبدلت زيدا منه. Donc là il te cite dans le matn les 4 aksam du badel qu'on va prendre maintenant les uns après les autres avec les exemples qu'il a cités. قال في شرح ثم شرع المصنف في بيان أقسام البدل وهي 4 أقسام. Donc là maintenant il va citer les 4 formes de badel. Ahaduha badel et shay ibn shay. Badel et shay ibn shay. Mahu, c'est quoi le badel et shay ibn shay? Badelu shay ibn shay musawin lahu fil ma'na. Bien yakuna dhatu al badel hiya dhatu al mubdal minhu. Wa yusamma 'inda al jumhur badel kullin min al kull. En fait, c'est que le badel, il est lui et le Mubdel Minhu sont la même chose. Entièrement la même chose. D'accord? Misk, comme dans le misk qu'on a dit au début, Adala al-Khalifa Omar. Omar, c'est le Khalifa. Et le Khalifa, c'est qui? C'est Omar. Donc c'est une chose entière. L'exemple qu'il donne, et on l'appelle également Badel el-Kul min el-Kul. C'est-à-dire le remplacement du tout à un tout. الاكزامبل كي دون دو القران اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فكلمه الصراط الثانيه بدل كل من الصراط الاولى لان الصراط الذين انعم الله عليهم وعينه الصراط المستقيم فهمت هذا دون لو فيرسي اهدنا الصراط المستقيم جنوس لو شمان دو ثم صراط الذين انعمت عليهم le chemin de ce que tu as comblé de bienfait. Premier sirat, c'est quoi son i'rab? اهدنا الصراط المستقيم مفعول به. Et le deuxième sirat qui vient, il est mansoub. Pourquoi il est mansoub? Car il est badel. Badel de quel sirat? De l'autre. C'est la même chose en fait. Même s'il y a des trucs entre les deux. Mayam, mayamna. Les deux sirat, c'est le même. Donc, le deuxième sirat, c'est le badel. فبدل المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، بس كده بدل. مثلا يقول قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، فكلمة أخوك الآن بدل من زيد. بدل ماذا؟ كل جور دو بدل الكل من الكل. كار تو فريير سي زيد، سي لا ميم بيرسون. Juste badel. Ça, c'est pour t'aider à comprendre le ma'na, c'est tout. Hada ou l'awwalu. Badel, al-shay ibn al-shay ou al-kul ibn al-kul. Al-thani, badel, ba'adin min kul. Ba'ad min kul. Wa huwa an yakuna fihi al-badalu juz'an min badal minhu. Là maintenant, c'est quoi? Le badel, c'est une partie du badal minhu. C'est pas lui entièrement, c'est une partie de lui qui fait partie de lui. Nahu qum al-layla illa qalila nisfahu. Nisfahu. Fa kalimat nisfahu badal ba'd min al-layl. Lana nisf juz' min al-layl. Donc là, shahid c'est ça. Lève-toi la nuit hormis un peu. Sa moitié. La moitié c'est la moitié de quoi? De la nuit. Donc cette moitié fait partie de quoi? De la nuit. Donc là, comme قُمْ أَلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ قُمْ أَلَّيْلَ اللَّيْلَ il est quoi? مَفُلْمْ بِهِ مَنْصُوبَ عَلَى مَتُ نَصْبِهِ الْفَتْحَ. Et نِسْفَهُ comme c'est son badal, il est منصوب مثله وَعَلَى مَتُ نَصْبِهِ الْفَتْحَ اَذَغَلَ الْأَخِرِهِ. Un exemple qui donne نَحُ قُولِكَ أَكَلْتُ الرَّغِيف ثُلُثَ. J'ai mangé le pain, son tiers. فلا ثلثة بدل من ماذا؟ الرغيف. الرغيف هي خبز، معنى خبز. دونك يبقى سن يعرب كعلا الرغيف سيما فول به. فالثلثة بدله سيكون منصوبا مثله. Another example. أعجبني زيد يده. زيد ما بلو وما سوقي. ودير سما. تمام سما. لأن اليد جزء من زيد. Ce n'est pas زيد كاملا. إنما هو جزء منه. Donc ثلثة ويده لا أعجبني زيد. زيد c'est quoi l'arabe de زيد؟ فاعل. Donc son badel يده. Ça va être quoi؟ مرفوع كذلك. كاين لي بدل ده مرفوع. تقول ضربنا الولد مثلا ظهره. On a frappé l'enfant son dos. ضربنا الولد. الولد il est quoi? مفعول به. Et en fait tu précises quoi? C'est son dos qu'on a frappé, pas tout l'enfant, son dos. ظهره سيكون ماذا؟ بدل منصوب مثل المبدل منه. Donc là c'est ça le badel بعض من الكل, et une partie de tout. Le badel là c'est une partie فقط du مبدل منه. Il n'est pas وليس كله كاملا. ثالث بدل الاشتمال. بدل الاشتمال ما هو؟ هو أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الجزئية والكلية. C'est qu'il y a un lien entre le badel et le badel minhu. C'est une chose qui le concerne, qui est liée à lui, mais qui n'est pas de lui-même. Ce n'est pas une partie de lui. نحو قولك نفعني زيد علمه وأعجبني بكر ثوبه. Donc premier exemple, نفعني زيد علمه. زيد m'a profité. Quoi donc? Sa science. أعجبني بكر ثوبه. بكر m'a plu, c'est-à-dire son vêtement qu'il a porté. العلم, هل العلم من زيد؟ من زيد؟ Là, c'est une chose qu'il a, mais elle n'est pas de lui. Il peut la perdre. Il est naissant cette science. Cette science, il l'a acquise par la suite. Kazalik, Bakr, le vêtement, parce que c'est une chose qui est de lui. Non, mais elle est liée à lui parce qu'il le porte. Fahim ta'ada? Qala, fa kullun min ilmuhu wa thawbuhu badalu ijtimal. Et ça, badalu ijtimal. والبدل هنا ليس هو المبدل المبدل منه كما هو في بدل كل من الكل، وليس جزءا حقيقيا من المبدل منه كما هو في بدل بعض من الكل. Donc là, le badal ijtimal, ce n'est pas le mubdal minhu entièrement. Et ce n'est pas non plus une partie de lui, comme dans le kul min al-ba'd, ou ba'd min al-kul. Mais c'est une chose qui est liée à lui. Si je te dis, ra'aytu zaydan, mathalan, ra'aytu zaydan yadahu. C'est quel badal celui-là? Aïwa. Walo kultulak, raitu zaydan qalama. J'ai vu zaydan, son stylo. Ijtimal. Parce que le stylo est lié à Zayd, c'est le sien. Il ne fait pas partie de lui. Wal akhir huwa qalil. Rabi' badal al-gharad. Ce qu'on appellerait en arabe sabq al-lisan. Ils appellent ça à l'abscisse en français. أي بدل عن لفظ الذي وغرط وهو المبدل منه. En fait, tu as une parole et cette parole-là revient مبدل منه. Cependant, cette parole, tu t'es trompé en parlant. مثاله رأيت زيدا الفرس. J'ai vu زيد, le cheval. ما معنى هذا؟ أردت أن تقول رأيت الفرس. فغرطت فقلت زيدا ثم نطقت بالصواب فقلت الفرس. Tu as voulu dire مثلا tu as voulu dire j'ai vu le cheval. Tu t'es trompé, tu as dit Zayd. D'accord? Donc après tu as corrigé en disant le cheval. Donc là ce badal là s'appelle balad ghalat. Qu'on appelle en français lapsus. En arabe, sabq al-lisan. Ta langue t'a devancé. Taqul mathalan, ra'aytu Muhammadan Zaydan. J'ai vu Muhammad. Après, tu rattrapes, tu dis Zayd. Enfin là, Zayd, il va être quoi? Badel de Muhammad. Mais en réalité, c'est quoi que tu voulais, toi? C'est Zayd. Mais ta langue t'a devancé, tu vas dire Muhammad. Ça arrive beaucoup dans le calme des gens. Pour preuve, في هذا الفن وجد له باب خاص. On a trouvé un chapitre qui lui est propre, l'abscisse. Car beaucoup de gens, des fois, te prennent sur tes lapsus. Pour les gens qui veulent te faire du mal, مثلا, tenter des erreurs, ils te prennent là-dessus, un lapsus. On dit ça, c'est un lapsus. Ça existe. La يعتمد عليه. Tu demandes à la personne, tu sais ce que tu as dit là? Il dit, j'ai dit quoi? Telle chose. Moi, je sais que ça m'arrive souvent. Tu dis non. Quand tu rattrapes, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais telle et telle chose. L'erreur, elle n'est pas comptée. C'est une chose qui est humaine, qui arrive parfois, ou même souvent chez l'être humain. Donc ça, مثل هذا لا يعتمد عليه. Tu dis pas qu'un tel a fait des erreurs dans la aqida ou dans le nahu ou dans je sais pas quoi. Il va vous dire une chose, il en a dit une autre à la place. Ça, c'est une chose qui arrive, c'est une erreur humaine. Ahamshi, c'était quoi sa niya? Donc toi, tu lui demandes, tu fais un istifsal, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Après, il se rattrape, tu dis, ah, attends, parce que toi, t'as dit telle chose. Il dit, non, non, c'est une erreur de ma part, je voulais dire en fait telle et telle chose. Même ta'ala. لكن في هذا الباب بدل الغلط الأحسن كما يقول أن يأتي معه ببل. Tu dis بل en fait. مثلا تقول رأيت زيدا بل الفرس. J'ai vu زيد ou plutôt le cheval. Pour bien montrer que c'est une erreur. Pourquoi? لأن هذا قد يلتبس عليك بالصفة. تقول مثلا رأيت زيدا الفرس. Les gens vont croire quoi? T'as vu Zayd, le cheval. Le cheval, son nom, c'est Zayd. En fait, t'as vu Zayd. Et le pharas, plutôt Afwan. Le pharas, c'est un... Ça peut être deux choses. Ça peut être soit Zayd, soit son nom, c'est le cheval. D'accord? Ou alors, ça peut être le pharas, son nom, c'est Zayd. L'un ou l'autre. Donc les gens ne verront pas que tu as fait une erreur. Ils vont croire qu'en fait, Zayd, on le surnomme par Al-Faras, c'est un laqab, un surnom, ou alors les gens vont croire que tu as voulu dire quoi? J'ai vu Zayd, le cheval, c'est-à-dire le cheval, son nom c'est Zayd. on ne se rend pas compte que tu as fait une erreur. Donc le meilleur, quand tu fais ça, tu dis bel. Tu dis raïtu zaydan, bel al-faras, pour bien montrer que tu as fait une erreur. Quand on avait dit bel, bimana al-idrab. Mais souvent, si c'est quelqu'un là, tu ne t'en rends pas compte de tout cela. Nous, en français, on dit « e », par exemple. Tu dis « j'ai vu Mohamed Zayd », je veux dire, par exemple. Le « e », on sait que ça fait une erreur. Mais demain, tu dis « j'ai vu Mohamed, le cheval ». Les gens vont dire « il y a un cheval qui s'appelle Mohamed ». Tu vas dire « non ». Tu vas dire « Mathalène, Mohamed, son nom, c'est le cheval ». Tu vas dire « non ». Qu'est-ce que tu veux dire alors ?« J'ai vu le cheval ». C'est tout. Mohamed, c'était un lapsus. Je voulais pas dire Mohamed. Mais nous, en français, on dit souvent un son qui sort de la bouche ou dans ton visage, on voit que tu as fait une erreur. Et ça, même à l'écrit, ça arrive. Sabr al-Qalam, ça s'appelle. Tu écris une chose, tu écris, et en écrivant, tu écris un autre mot que ce que tu voulais. Tu penses à autre chose, mais c'est à ce moment-là. Par exemple, je sais pas, moi, tu es en train d'écrire ce que le Moudaris, il est en train de te dicter. Et tu penses à une chose. Lui parle de Mecca. Toi, tu penses à le Médina. En écrivant, tu écris le Médina, alors que le Moudaris, il dit Mecca. Ça arrive. Ou tu dis, il te dit, quoi, les Mohamed? Toi, tu penses à un ami à toi, il s'appelle Zayd. T'écris quoi, les Zayd? Ça arrive. Même dans le hadith, ça s'appelle, et tashif. T'as écrit une chose, et là-bas, c'est une erreur. La chose voulue, ce n'est pas celle-ci. Ça arrive aussi. Et ça, ce sont des erreurs qui sont humaines. Ça s'appelle, et tashif. Filaim al-hadith. Fahim ta'ala? Aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est le badal. Fahim, c'est le badal. Et en réalité, dans le hukm de l'action, c'est le badal qui est visé. Pas le mubdal minhu. Le mubdal minhu, c'est un tamhid, c'est une préparation, ce qui va arriver. En vérité, toi, tu vises le badal. Ja'a Zayd, akhuka. Tu vises quoi, toi? Akhuka. Ou le contraire. Ja'a akhuka, Zayd. Tu vises quoi, à ce moment-là? Zayd. Fahim, c'est le badal. Et l'autre qui est avant, il prend l'irlab, ce qui lui revient. Il peut être fa'il, peut être mafoulbihi, il peut être mubtada, ça dépend de la phrase que tu as faite. Donc, tu écoutes, par exemple, Zaydun, akhouka, qa'imun. Zayda, il est mubtada. Akhouka, il va être quoi? Badal. Qa'imun, il va être khabar. Le mubdal minhu, bihasbi ala bihi. Et le badal, il va prendre l'irab du mubdal minhu. Et là, meilleur zem, ta'nis, ou tafkir, ou al-jem, ou l'ifrar. C'est pas l'azim. Ça dépend du badal que tu veux donner. Par exemple, dans le badal de Ghalat, tu vas dire, Ja'at Fatima, Zayd. T'as dit, Fatima, elle est venue, Zayd. Fatima, c'est un mouannas. Zayd, c'est un muzakkar. Ou, mathalan, tu dis, A'jabani, Zayd, Yadou. Car les membres en arabe, c'est des mots féminins. Yad, c'est féminin. Et Zayd, il est masculin. Mathalan. Fahim ta'ala? Ou tu dis, Darabtu al-walad, yadeihi. Je rappelle l'enfant, c'est deux mains. Walad, il est muzakka. Yadeihi, il est quoi? Musanna. Fahim? Ou tu dis, Darabtu al-walad, mathalan, un exemple, asnana. Je rappelle l'enfant, ses dents. Les dents là, c'est quoi? C'est pluriel. Mubdal minhu, il est quoi? Muzakka. Il est mufrad, je veux dire. Les mufrad. Donc c'est pas mayalzem. À part peut-être dans le kulm nilkul. Badel kulm nilkul. Badel shim nishay. Sinon c'est pas lazim. Aham shay c'est l'arabe. Fiyad al-bab, aham shay ou l'arabe. Donc on a pris les quatre badel. Badel kulm nilkul, c'est-à-dire que le badel et le mubdal minhu sont une seule même chose. Entièrement. On a pris le badel. Al-Bab Nilkul, c'est que le Badel est une partie du Mubdal Minhu. On a appris le Badel et l'Ishtimel, c'est une chose qui est liée au Mubdal Minhu. On a appris le Badel et le Gharat, qui est le Badel qui est une erreur. Sabak al-Lisan. Femta ada? Taïr. Wa ghadan nakhouz, afouen. Yom al-Sabt nakhouz muraja'a min kul al-marfou'at. Al-An, alhamdulillah, on a fini le marfou'at. On va prendre un muraja'a, et après on rentrera dans les mansoubat, biznillah ta'ala. Faila huna. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك